Ah, bonsoir. En manchette ce soir, je fais une revue de la décennie des affaires connes que l'humanité a faites, puis après ça, je fais une dépression nerveuse. Vous êtes à 70%. Fier ce soir d'avoir pour la première fois une nouvelle chanson thème, écrite par notre plus grand fan de Sherbrooke en Estrie au Québec, Danny Daniel Gabriel. On vous laisse avec ça, on revient. Merci, la vie. C'était définitivement la toune thème écrite par Danny Daniel Gabriel. Pendant que notre muse... Tu t'es pas trompé? Non, c'est la toune thème de 70% écrite par Danny Daniel. C'était vraiment, c'était celle qui avait composé pour 70%. C'est là. Ça, ouais. Okay. Ah, merci ça. Beaucoup à vous, monsieur. On espère qu'il nous écoute puis qu'il va dire salut à Pierre de notre part. Il était venu nous voir jadis. Salut, oui, Danny Daniel. C'est le premier. Ben, oui, bonne année à tout le monde. C'est la première de l'année. Bonne année à Alex. Bonne année, tout le monde. Représentant officiel d'Arnold, qui est encore ici avec nous en studio, avec Simon Predge, qui a préparé une belle bassine de bile. On a aussi, pour transformer la décennie qui vient de passer en du passé qui est digéré, Bruno Corbin. Ouais, l'intérieur du métro sent comme l'intérieur de ma bouche goûte quand j'ai la grippe. Je sais pas, c'est en tout cas aujourd'hui, j'ai remarqué ça. Les réalisations, ça commence fort 2010. Ouais. Evelyne Potvin-Cloutier et Étienne Forêt pour compléter le premier trio en attaque. Et voilà, on est fort. Sinon, bon, on a du backup quand même de qualité. On n'oubliera pas que les Twin Dragons moustachus ont totalement oblitéré c'était quoi? C'est les Pocket Ninja. Ouais. Avec Robert Sdor, son menton, et Gary Daniels. C'est très très bon, ça va revenir une autre fois. Pour l'instant, on va écouter. Mais tu peux pas triompher contre les McNamara. Quand t'es un pocket. Ben, ninja. Ça dépend. Quand t'es Billy Blank, ça l'arrive des fois que tu triomphes contre les Twin Dragons. Contre les deux en même temps. Contre les deux en même temps, que tu les passes au travers d'une fenêtre. Puis d'ailleurs, pour commencer ça fort, parce que j'ai pas trouvé vraiment de bout où ça se parlait puis que ça valait la peine. qui est surpris, je sais pas. On va essayer de trouver. Voyons, il est où? Ben, mets un background de monde qui se batte, là. Quoi? Quoi? Ah tiens, il est là. Pour le show qui s'en vient, on ouvre ça. C'est Twin Dragon Encounter. Et puis ben, comme il n'y a pas beaucoup d'audio, j'ai sorti les deux tunes principales. Billy Butt, le gars qui écrit ça. Billy Butt. <c'est>... Billy Butt Thornton. Oh, mais on a du plaisir en studio. En tout cas, en studio, on a du plaisir. Changez pas de poste, on a du plaisir en studio. Voyons, et où ma toune, là, pour le show qui s'en vient. Comment ça va au niveau de la circulation, Bruno? Alors, au niveau de la circulation, tout à l'heure, il y a un quêteux, ben, il m'a bien eu, en fait, parce qu'il m'a dit, t'as-tu du change pour une pièce? Fait que là, j'ai sorti mon change, puis là, j'ai donné du change pour une pièce, puis il a dit, Astor, t'as-tu du change, man? J'ai fait, ouais, j'en ai. Oh, bien joué. Ça, oh, ouais. Des nouvelles techniques pour 2010. Ils sont ça, très forts. Ouais. Ça passe des affaires. Ça a causé un bouchon, ça, jusqu'à l'échangeur. Sur, sur la 10, c'est 22 minutes. Sur la 15, on parle de... Interminable, et voilà, je viens de trouver le film. Bravo, les gars, vous avez bien booké ça. Ouais, il fait 22 degrés à l'intérieur de nos studios. Ouais. Ça, ça t'est-tu arrivé pour vrai, Bruno? Moi, ouais, ça m'est arrivé pour vrai. Quand même, hein. Shit, c'est vraiment comme le level 2. Ah, j'ai fait well played. J'espère qu'il est pas capable de... Non, non, il va garder le truc pour lui, pas vendre le punch. Ben là, quoi que je viens de le donner à tous nos voilà, auditeurs. Et voilà. Toutes les quêteux qui nous écoutent, vous savez quoi faire. Fait que faites attention quand vous rendez service. Ouais. C'est ça. On écoute ici, elle s'appelle Fight for the Right to Fight. C'est bon, ça. Ah ben oui. C'est de Billy Butt, c'est dans la trame sonore du film de ce soir. Twin Dragon Encounter, ça date de 1986. Ils ont tourné ça au chalet. On va paisible. Comment ça, des oiseaux? Savourer ici un gentil petit montage que Simon Préjean a fait concernant le film Bloodsuckers from Outer Space. Ça sera pas long. Je sens quelque chose d'étrange flotter dans l'air. J'ai déjà eu ce sentiment auparavant. Quelque chose d'étrange va arriver. Et chaque fois que je ressens ça, ça tente jamais à arriver. Eh bien voilà, général. Voici quelques jours, un champ d'énergie provenant de l'espace s'est abattu sur nous et a provoqué des effets bizarres sur la population locale. Quel genre d'effet? On a sucé leur sang. Ça, c'est la plus belle connerie qu'il m'ait été donné d'entendre. Des suceurs de sang, venus de l'espace. Les gens se foutent pas mal qu'il y ait des suceurs de sang en ville. Tu suceras la vie de tes pauvres proies. Espèce de zombie suceur de sang. C'est peut-être sympa d'être un suceur de sang venu d'ailleurs. De tout suceur de sang. Monsieur, cela concerne les suceurs de sang du Texas. Mais monsieur le président, je suis convaincu que ces suceurs font partie d'une conspiration communiste. Toi, tu suces. Suces. C'est totalement dégoûtant. D'abord, t'as voulu que je sois photographe, puis t'as plus voulu que je sois photographe. Ensuite, t'as voulu que je devienne fermier. Maintenant, tu ne veux plus que je sois fermier. Tu voudrais à présent que je suce le sang. On ne vous laissera pas nous sucer. Nous avons localisé les suceurs de sang. Que les suceurs de sang? Les suceurs de sang venus de l'espace. Ils s'attaquent à nos droits civils en nous suçant comme ça. Nous serions radicalement débarrassés de ces suceurs de sang. Bon, tout ça c'est très bien, mais pourquoi cette sale manie de sucer le sang? Je commence à en avoir marre de cet ignoble suceur de sang. Son con. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Pas trop de pression, Bruno. Vas-y comme tu le sens. À chaque fois, t'as mis une vie comme ça. On dirait que la navette spatiale vient décoller. Une bonne fois, là, il va partir tout de suite après le thème. Ouais, ouais, peut-être. Faudrait que je me pratique chez nous. Faudrait que Tommy se pratique. Faudrait qu'il l'écoute tout le temps aussi, qu'il la connaisse par cœur. J'allume pas mon micro pour vous donner une chance. C'est bon. Alors, allons-y tout de suite. Non, je ferai pas vraiment une revue de la décennie finalement. Mais ils m'ont. J'ai pris des vacances dans le temps des fêtes, hein, mais. Le monde a pas arrêté de faire des conneries. Hein. Non. Fait que là, ben, j'en avais pas mal, là. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais d'après moi, c'est pour les prochaines semaines, il va falloir que je fasse du rattrapage un petit peu. Oh non, mais on défonce. On défonce? Mais ouais. Mais Jean-Marc Parent le faisait tout le temps. C'est vrai, ouais. On va en parler à Guy Cloutier, puis on va voir si ça marche. Alors, il y a Sal Esposito de Boston qui a été appelé pour être jury malgré un petit détail. Sal n'est pas un être humain. La famille Esposito tente de comprendre comment leur chat a pu se faire convoquer par la cour. Guy et Anna Esposito croient avoir une idée de la source du malentendu. Sal est vraiment un membre de la famille, explique Anna. Alors, au dernier recensement, j'ai écrit son nom comme animal de compagnie. Anna a déposé une demande de disqualification pour son chat, mais le commissaire impassible a refusé la demande. Si le problème n'est pas réglé d'ici le 23 mars prochain, Anna devra tout simplement se présenter en cour avec son chat. Voilà. Wow. Parce que le gars, il a pas fait une erreur. Non. Il y en a vraiment de tout pour faire un monde. Oui, tout à fait. Tout. Partout, d'accord. Il y a un homme qui est recherché pour avoir placé une caméra dans une cabine d'essayage du magasin Asda de Warrington en Angleterre. L'appareil a été placé dans un abat-jour et a fonctionné pendant environ 30 minutes avant d'être trouvé par un employé. Malheureusement pour lui, l'homme n'a pas éteint l'appareil avant de l'installer dans la cabine. Et l'examination de la carte mémoire le montre en train de le faire. On le décrit comme un homme de 30 à 35 ans, chauve et mince. Voilà. Il y a des photos aussi sur Internet si vous voulez le voir. Là. Si c'est quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Voir si vous le reconnaissez. Si vous avez des. D'un coup qu'on reconnaît. D'un coup qu'on reconnaîtrait Sébastien Benoît. Non, mais il n'est pas. Il n'est pas chauve. tout est possible. Il est pas assez grand. Il y a un ange qui a passé. Il n'est pas assez grand pour atteindre des abats jaunes. Il y a peut-être un Sébastien Potiche. Il n'est pas assez grand pour être qualifié de grand et mince. Non. Bon point, bon point. Ah ben, sur ces belles notes, merci Bruno. Est-ce qu'on s'en va voir Étienne Forêt et son backup? Pourquoi pas? Hein? Parce que là, moi, j'ai plein de restants des fêtes. C'est de même après fêtes. On se retrouve à manger de la dinde, des atacas et du maudit sport pendant une semaine et demie. C'est ça, le Tupperware vide. C'est plein de son. C'est ça. Bon gâteau aux fruits là, pour faire son salage. Oui, ça fait toujours du bien pour colmater des brèches. Donc, j'ai apporté une couple de tunes de Noël que j'ai pas pu jouer avant. Oh non. On va se débarrasser de ça. Après ça, on va partir sur autre chose. Donc, j'ai des tunes du jour de l'an aussi, là, ça compte. Donc, on va commencer. Bon, tout le monde connaît la famille Soucy. La famille Soucy, eux autres, c'est une famille connue au Québec. Puis eux autres sont plus un peu urbains, tu sais. Mais à l'opposé de ça, on a la famille Larrain qui font vraiment style canadien, creux, profond, un peu habitant. Et là, ici, il nous chante « Je m'appelle Père Noël ». Moi, j'aime surtout la fille qui va parler après le Père Noël. Je m'appelle Père Noël et je m'ennuie beaucoup. C'est pourquoi tous les ans, je quitte mon igloo. Mon igloo, bien sûr. Pour visiter les enfants, car beaucoup m'ont écrit. Parmi les lettres que j'ai reçues, il y en a ce qui dit. Ça, c'est bon. Père Noël, je veux des bebelles comme les années passées. C'est une occasion. La promesse que je t'avais faite, je l'ai toujours gardée. Qui roule ses airs. Ouais, comme à la balle. Maman, j'ai toujours écouté. Comme à Laval. Noël, ça fait référence à un film vieil. Faut toutes les écouter pour me comprendre. Je sais que ce que tu nous amènes, il y a des messages cachés là-dedans, c'est tout le temps. Hey, c'est vrai que la voix est impressionnante, hein? Hey, yeah, là, se fait tag-teamer avec toutes ses autres tantes et sœurs. Ouais. Père Noël, je veux des bebelles. Donc, ils nous ont aussi chanté, pas mal dans le même genre, le cœur du Père Noël. Pouet, le cœur du Père Noël. Je suis l'homme le plus joyeux de tout le continent. Chaque année, je vais visiter mes bons petits enfants. Il habite même pas sur le continent, souvent, en plus. Souvent, j'ai le cœur béni dans des foyers où je meurs. C'est dans un arbre d'emposé qu'une petite note lisse. Père Noël, j'ai des bebelles qui sont brisées. Oh non. Hey, ça, c'est, on reconnaît les thèmes qui reviennent, hein? Ouais, ouais. Père Noël, bebelles. Mais là, ils sont brisés, fait que là, fait qu'elle voudrait des bebelles comme les années passées. C'est ça. Pas du tout la même chose. Ça, ça s'appelle comment, celle-là? C'est le cœur du Père Noël. Le cœur du Père Noël. Ah, c'est H-O-E-U-R. Non, vraiment comme l'organe. Hein. Je comprends de moins en moins. C'est supposé être l'inverse. Je sais, mais c'est ça. C'était écrit ça sur le disque. Puis sinon, la famille Larrain nous ont fait une toune plus style du jour de l'an qui s'appelle « Nos Canadiennes », dans laquelle on apprend que nos Canadiennes seront toujours là pour le Canada. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que... Tu me regardes même. T'es la Canadienne dans la salle. Puis sinon, dans le refrain, il y a des paroles principales qui sont en fait « crachées à terre ». Donc, il y a des mots, puis il y a du crachage. Puis là, la famille qui reprend ça et qui répond, eux autres, au lieu de cracher, parce que sûrement, ils sont comme tous les uns à côté des autres, puis ils voudraient pas s'accrocher, ils font juste « tch, tch, tch ». Quand on écoute ça, c'est vraiment beau. Ça a de la classe en t'abandonnant. On chante souvent de les étoffes, hop, hop, en là. On chante souvent de les étoffes, hop, hop, en là. Comme des belles filles, je sais pas, il y en a là, je sais pas quoi dire. Que j'aime, que nos Canadiennes sont toujours là pour le Canada. Non, mais c'est parce que les Acadiens sont pas capables de faire ce son-là. C'est ça. C'est pas dans leur alphabet, c'est ça. Pour moi, c'est Dieu, je n'accepte pas l'autre que j'aime, que nos Canadiens soient toujours là pour le Canada. Je sais même pas quoi rajouter, c'est juste dommage. C'est la famille Larrain. On voit qu'ils sont quand même plus rurales. La famille de Larrain. La famille Larrain. Ah. Attention. Parce que tu sais, comme. C'est une joke de fesses. C'est toujours bon. Bon, là, faut remonter un peu le niveau de qualité, là. Parce qu'on s'enfonce un peu bas. Mais j'ai perdu ma concentration. Ouais, ok. Fait qu'on va, je ramène ça à l'ordre. Le Trudel Denis sort de ce corps. Alors, on a Matt Altieri, qui chante Les Rois Marchent. Fait que là, je vous laisse essayer de guesser Matt Altieri si c'est un gars ou une fille. Ça s'écrit M-A-T-H-E. C'est très solennel. Oh, une fille, ça. C'est comme Matt, sûr. Mais pas de R. C'est ça, exact. Ça aurait pu être comme Mathieu, pas de I-U. Mais... fait que ça, c'est dans la vieille tradition qui veut que les chansons de Noël fassent peur. Ça s'est perdu, heureusement. On laissera pas trop longtemps. Sinon, il y a les mini-pops. J'ai vu les mini-pops à la télé. Avez-vous vu? Ils refont des annonces, les mini-pops. Eux autres, c'est une vieille c'est émission. Ouais. Non, non, non. C'est juste des enfants qui chantent, là. Tu peux les appeler comme ça si tu veux. C'est cute. Les mini-pops, c'était une émission en Angleterre où on faisait chanter les enfants. On leur faisait reprendre des succès de l'heure dans les années 80 à ce moment-là. Puis, ils chantaient comme ils pouvaient. Puis, ça fait super longtemps que ça existe. L'émission a arrêté, mais ils ont continué de faire des disques. Puis là, il y a eu une grande pause. Puis là, ça revient tout à coup. Une nouvelle équipe de mini-pops qui chante. Puis là, ils annoncent leur CD de Noël maintenant, là, ces temps-ci à télé. Fait que moi, j'ai trouvé ça tout chaud. C'est le marketing... Ils l'ont la fin. Fait que moi, j'ai une toune de Noël des mini-pops ici, tirée d'un 33 tours de Noël, qui s'appelle, ben, tout le monde le connaît, Deck the Halls with Boughs of Holly. Regardez si c'est sympathique. Eux autres, ils revampent ça à la sauce du jour. Sacrément, hein? Ouais, à la sauce du jour 1987. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Le du jour qui ont fait le disque. C'est comme nice. Les Chipmunks en ouais. Adolescence. C'est ça, exactement. Les Chipmunks bon. Qui muent lentement. C'est ça. Ce qui est cool, c'est ça, des mini-pops, c'est que ça a disparu de la télé. Ça n'a pas duré longtemps, la télé britannique. Parce qu'il y avait souvent des petits malaises. Parce que là, c'est pas pire, ces disques, c'est des enfants qui ont l'air d'avoir 10 ans à peu près. Mais à l'émission, il y avait souvent des enfants, genre de 5 ans, qui chantaient des tunes populaires des années 80. Puis des fois, dans ces tunes-là, il y avait quelques paroles un peu sexuelles, t'sais. Comme entre autres, ce qui a fait déborder le vase, c'était leur interprétation. On va l'avoir. On l'a ici. Oh, ouais. Yes. Premièrement, écoute, c'est intolérable. La fille, elle sait pas chanter. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris. Elle chante Morning Train 9 to 5. Je vais passer ça à l'instant. Vous allez peut-être remarquer que ça, c'était live. C'était pas de ça. Ouais, tout seul de même. Ben, là, la musique qui joue, elle chante tout seul ça. C'est sur l'air de l'amour, c'est comme une cigarette de Sylvie Vartan. Le copier, mais c'est clair. On dirait qu'à 4 ans. En fait, t'as 99. C'est juste mon gars. Oh! Oh, voilà. Oh. Alors ça, c'est... Night time is the right time, we make love. Fait que là, c'est ça qui a fait que tout à coup, il y a eu des gens qui ont été mal à l'aise. Love, ça veut dire se faire des coupes de cheveux, se mettre des bouclettes. Ouais, c'est ça. Bon, c'est exactement ça que ça veut dire. Fait que c'est ça. Fait que les mini-pops... Mais là, maintenant, les mini-pops sont plus vieux. Les nouveaux mini-pops qui annoncent à la télé, ils ont l'air plus d'être adolescents. C'est ils chantent. Les grands pops. C'est les top of the pop. C'est ça. C'est des gens populaires. Ouais. Fait que pour revenir un peu à Noël, ben on a, parlant aussi de faire l'amour, on a Chatelaine qui ne prône pas que l'amour libre. Elle nous chante aussi. Sur Père Noël arrive ce soir. Oh baby! En direct du Fossé de Brossard. Noël! C'est toujours un classique. Oh, le drummer est fou, même, il est en feu. Sacré Chatelaine. Malheureusement, elle n'est plus au Saint-Hubert de Charlemagne. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, je l'ai perdu de vue. Si quelqu'un le sait, ou si elle-même est à l'écoute, 9-7-3000, poste 16-10. Oui. On a réussi en Sentra 2010. Oh, ouais. On a eu la nouvelle batch. On n'a pas pu retourner. Puis on peut se débarrasser de la vieille. Ouais, c'est ça, ben, ils nous ont fait un deal, ils nous ont échangé 3 2009. Pour chaque 2010, mais on était rendu avec tellement de 2009. De toute façon, ça nous coûtait plus cher de les garder. Non, ouais, ça valait plus la peine. Faut changer le parking aussi, là. Faut changer de bord de rue. Choc FM, on dirait du centre-ville de Montréal. Bon, hey, c'est vraiment pas bon, ça. C'est vraiment mauvais. Puis là, j'aimerais qu'on revienne aux vraies valeurs. Parce que Noël, là. Je vais vous dire une petite dernière. Ouais, là, je conclue avec celle-là. Là. Ah ouais, c'est ta dernière de Noël? Ouais, je t'assure. Noël, c'est. On verra. C'est la dernière de ce bloc-ci. Noël, c'est la fête de Jésus. Puis on l'oublie trop souvent. Puis moi, le destin me l'a rappelé. Dieu, sûrement, me l'a rappelé. Je cherchais des tounes de Guy Lafleur. Je suis tombé sur une toune de Andréanne Lafleur qui m'a rappelé les vraies valeurs. Ah ouais, hein? Oh! C'est full moderne. Lely Furtado. C'est vrai aussi, c'est plein de vérité. Là. Ah oui, on le sent. Okay, quoi? Christ qui vit en elle. Ah, ok. Christ qui vit, ouais. Moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ. Elle l'appelle Christ. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur. Mettre tout entier, je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon cœur. Mettre tout entier, c'est Jésus qui vit en moi. Oh yeah! La première chorégraphie de Noël, là. On peut faire avec ça. Ouais, ça m'inspire au bout. Mais ben, hein, c'est ça le but. C'est de ramener un peu la présence de Jésus dans nos cœurs avec des chants mis à jour. Tu as un clip de Jésus, ça? Jésus! Moi, j'en ai pas vu, mais ouais, ça serait le genre d'affaires qui doit en avoir. Ouais, si on n'a pas, on en fait un. Puis je voulais juste vous faire remarquer, regardez bien, le début, je vais remettre le début. Écoutez-le avec attention. Ok, là, je mets d'autres choses. C'est je remets celle-là. Je sais pas, moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Ouais. C'est extreme. Yeah! C'est que ça ressemble ben gros aux Backstreet Boys. Ah, ben, le Christ est partout, hein? Ouais. C'est ce qu'on raconte. C'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est la Backstreet Bitch. La force de Jésus. Aïe, je vais mettre la petite toune thème, je pense... je l'ai perdu. Ah non! Thème de quoi? Hein? Non, ouais, mais non, mais je vais la mettre pareil. Ça va être la toune thème des Sapelli Popette. Ah ben oui. Puis juste en revenant de ça, là, ça va être Alex et Arnold. Les... Yeah! Alex! Arnold! Alex! Arnold! On est en train d'essayer d'agrandir le cadre de porte pour qu'Arnold passe. Ouais, pour l'instant, il est pogné dans l'antichambre. Ça devrait être fait pour la toune. Pour l'instant, c'est le thème des Sapelli Popette. Boy, c'était impressionnant, ça. C'est quoi tu vas nous faire, là, aujourd'hui, Alex? La dernière fois qu'on t'a parlé, tu t'en allais en enregistrement pendant les vacances? Ouais, ben, pendant un après-midi de mes vacances, j'ai effectivement enregistré 4 tunes, là. En fait, non, c'est pas vrai, j'ai fait ça sur 2 après-midi. Le premier, c'était le 1er janvier. J'avais une petite voix de gars qui avait bu un peu la veille, puis c'est là que j'ai enregistré mon clip de Poker Face dans nos campagnes. Oui. Fabuleux. Qui est visible sur YouTube. Avec une voix profonde, puis après ça, avec une voix plus claire, j'ai enregistré 3 de mes tunes. 3 tunes que je traîne un peu un bout, mais qui n'étaient pas vraiment enregistrées décemment, disons. Oh, voilà. Et parfois pas du tout, même. Fait oh! Elles sont disponibles sur mon MySpace. Là. Et voilà, c'est Alex et Arnold. MySpace. MySpace.com slash Alex et Arna. Et Arna, c'est ça. Alex et Dash. Dash. Ouais. C'est ça. Fait. Puis là, tu vas nous chanter quoi? Là, je vais y aller tout de suite avec Poker Face dans nos campagnes. Yes! Mon plus gros hit, je pense. Ouais, c'est toujours des tunes que j'ai pas vraiment composées qui poignent le plus, malheureusement. Mais, Non, mais là, c'était l'inspiration. Enlève-toi rien. Un succès, c'est un succès, ouais, man. Faut pas dénigrer ton propre famille de tout le monde ici. Oh, yeah. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Glow, glow, glow, gloria. Pa pa pa poker face, pa pa poker face. Pa pa pa poker face, pa pa poker face. Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, I'll get him hot, show him what I got. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Glow, glow, glow, gloria. Pa pa pa poker face, pa pa poker face dans nos campagnes. Pa pa pa poker face, pa pa poker face dans nos campagnes. Pa pa pa poker face, pa pa poker face dans nos campagnes. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Glow, glow, glow, gloria. Pa pa pa poker face, pa pa poker face. Yeah. Je vois ça à tout le monde. Slow, vraiment fort. Vraiment fort. Non, c'est excellent. Là. Moi, j'aimerais ça ajouter que oui, j'arrive de Robertval. Je suis allée passer 5 bonnes journées, puis j'allais à la pool room un soir sur deux, puis Poker Face jouait immanquablement, si c'est non, 2 fois par soir. Puis maintenant, Robertval, tout le monde connaît ta version, parce que je leur ai cassé les oreilles. Yes, absolument. Robertval. Oui. Ah ouais, ah ouais. T'es bouclé là-bas, d'ailleurs. Tournée régionale. De Robertval. Moi, je suis fier de dire que je suis peut-être un des derniers êtres humains qui est encore vierge de l'original. J'ai jamais entendu. T'as jamais entendu l'original? Non, moi non plus, j'ai jamais entendu. Non. Moi, je te dirais, t'as ma deuxième version préférée de cette tune-là. C'est laquelle la première? Celle de Eric Cartman. Ouais. Il est un. T'as Eric Cartman. Oh, voilà! Ah, putain, je vais te dévierger. C'est la vraie, ça? Ouais. Ah non, mais je veux pas la vraie. C'est la tune la plus jouée officiellement. Les 10 gaga. En l'eau de 2009, c'est la tune que j'ai joué le plus. Oh, ouais, tu nous rends gaga. Tiens, à la place, je vais mettre ça. J'ai mieux Lady Gaga qu'à quelque champêtre. Ah, ça aussi, c'est bon. Tiens, tu m'auras pas déviergé, Étienne Forêt. T'as quand même entendu un peu. Garde ta tête pure, t'as mis. Ça n'a pas rentré jusqu'au fond, mais en tout cas, tu y as touché. Ça a un lien avec ma nouvelle blague, en plus. Si une fille se plaint parce que tu y as mis un doigt, c'est peut-être qu'elle en veut un deuxième. Ben, ils disent dans la tune de... Non, mais ils disent dans la tune de Inner Circle, là, If you cry out, I'm gonna push it some more. Oh, c'est une technique qui a fait ses preuves. Ah oui, c'est vraiment. Moi, Juliette Cartman en background, de toute façon. Ben oui, t'es toutes déjà attendu, toi. Fait longtemps que t'as été déviergé. Non, ouais, ma tête. Hey, merci beaucoup, Alex et Arnold. Fait plaisir, fait plaisir. J'ai même eu vent du fait que t'es en train de travailler sur une toune thème pour nous autres. Ben oui, un mystérieux hasard qui fait qu'une de mes chansons répète souvent 70, là, comme une espèce de nombre mystique à laquelle t'aboutis quand t'additionnes n'importe quoi. Là. Ouais. Puis c'est le numéro c'est de votre émission. C'est vrai, 70%. En plus, c'est pas juste n'importe quoi. C'est vrai, quand t'additionnes n'importe quoi, à un moment donné, t'arrives à 70. Quand ouais. C'est, ouais, c'est bien fait, la vie, c'est les mystères. C'est hein, ça. Ben. C'est ça. On touche le ciel, les amis. Je vais laisser Cartman finir tranquillement sans qu'il finisse. Après ça, je vais mettre la deuxième toune du film de ce soir. La deuxième s'appelle « All I See Is Faces ». Puis après ça, je vais revenir, je vais faire mon petit texte sur le film. Ça va être cool, hein? Vas-y, Cartman. Pop, pop, pop, poker face. Poker face dans nos campagnes. Glock. Ah, oh, c'est pas ça. C'est pas aussi bon, hein? What the hell are you singing, Cartman? Well, hello, it's all my little friends with all their little dreams. Shut up, Cartman! You guys are just hella jealous. Cartman doesn't know a rainforest from a Pop-Tart. On n'entend pas n'importe quoi en arrière, c'est le bruit du moteur hors-bord de Jake. Jake est le méchant dans les deux films. On va garder le film en background pendant que je lis mon aventure. En passant, si vous n'êtes pas allé au République du Bacon, c'est vrai que tu as souhaité faire des nouvelles, toi. Ouais, je peux faire ça, ouais. Ouais, ouais, ben, vas-y, avec Jake en background. Non, mais tu peux leur dire, là, pour la République du Bacon. République du Bacon, le site, ça vaut franchement la peine. C'est consacré à la chose qui est la plus vraie et pure que j'ai rencontrée de ma vie. Voilà. Mais est-ce que t'as vu, c'est Maple Leaf, hein, qui fait ça? Non. Ah, oh, je m'excuse. Non. C'est un esprit gentil qui est venu de la planète, oui, Vulcanium. C'est le petit esprit cochon. C'est ça. Fait que Bruno, fais tes nouvelles. Ouais. Tu veux tout aussi quelque chose à dire, là? Je voulais juste offrir. Les nouvelles. On met juste une fois par chose. Je voulais juste inviter les gens à boire un shooter de vodka à la maison avec nous. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. J'espère qu'on ne sera pas dans la merde avec cette information-là. Mais je vous invite à boire une petite shot avec nous autres pour fêter la fin du temps des fêtes. Peut-être que tu le bois pas direct en avant du micro et qu'on n'entend pas que ça fait glou-glou. Ben non, je peux pas faire ça. C'est bon. Puis, tant qu'à dire des niaiseries, moi j'aimerais ça dire à toutes les filles qui nous écoutent que moi je suis assise entre Bruno Corbin et Alexis Arnold. Mais moi je suis assise. comment tu peux être assis entre trois personnes? Ça marche pas. Arnold, il est dans nos cœurs. Moi, ça fait à peu près 5 minutes que j'essaie de détwister le fil de mes écouteurs de celui d'Alex. T'as trop eu de vodka, là. OK, Bruno, tes nouvelles. Oui, d'accord. Alors, il y a des scientifiques qui viennent de créer un vaccin qui pourrait bien éliminer l'addiction à la cocaïne, pardon. Le vaccin a la particularité de changer la chimie du corps afin que la drogue ne puisse entrer dans le cerveau et créer l'intoxication. Le vaccin est prometteur, mais pourrait aussi être dangereux. Des toxicomanes qui ont participé à l'étude, certains se sont mis à consommer des quantités massives de cocaïne, espérant surmonter les effets du vaccin. certains ont consommé jusqu'à 10 fois leur dose habituelle. Certains ont affirmé même être allés voir plusieurs vendeurs afin de trouver une variété qui ne serait pas affectée par le vaccin. Le vaccin est très efficace, par contre, parce que non, ils n'en ont pas trouvé de variété qui n'était pas affectée par le vaccin. Elle est bonne, celle-là. Voilà. Il y a un Sicilien de 35 ans qui s'est présenté au poste de police demandant aux policiers de l'enfermer parce qu'il préférait passer la nuit du Nouvel An en prison plutôt qu'avec sa famille. Les policiers ont refusé, lui disant qu'il ne pouvait pas enfermer quelqu'un s'il n'avait pas commis de crime. L'homme s'est alors rendu à la tabagie de l'autre côté de la rue, a menacé le commis avec un exacto en volant des bonbons et un paquet de gomme. Il a ensuite attendu que la police arrive pour l'arrêter pour vol à main armée. Il aurait dû prendre des revues. Il est en allant en prison. J'avoue. Alors, je pense qu'il est revenu en disant que effectivement, il a eu plus de fun qu'il pensait avoir avec sa famille en passant la nuit. La famille, parce que là, il va avoir un procès, puis tout. Il va suivre ça. Faut que je serais fier d'être sa famille. En tout cas, tu regardes-tu dans le miroir un peu ou on le met à l'hospice? Hey, merci Bruno. T'en as-tu une autre de même? Il m'en reste deux, là. Regardez tantôt. Gardez-en tantôt. On a eu le vaccin, puis on a eu le vieux, là. Ouais. C'est ça comme notre cerise, c'est le samedi. Puis là, c'est des bonnes, là, en plus, là, parce que là, j'ai comme skimé le top de la crème de ce qui s'est passé dans c'est le dernier ça, mois. On arrive dans le fond. Donc, Bastards. Twin Dragons Encounter, on n'est plus dans la République du Bacon, on n'est plus avec un vaccin contre la cocaïne. Mais reste la vodka. Et on est encore dans vodka. Michael et Martin McNamara ont 4 ans lorsque leur père arrive au Canada. C'était des années 50, je m'en souviens bien. Là, si j'en crois ce que Michael m'a dit, leur exil fut forcé par des raisons politico-militaires impliquées. Leur père étant une des têtes importantes de l'IRA à l'époque et les années d'après-guerre difficiles pour les terroristes en Europe. Le Canada devenait une terre d'accueil logique pour les ressortissants, qui voulaient comme tout le temps avoir raison, hein, je sais pas c'est quoi. Là. Il n'a pas voulu trop s'étendre sur les activités de son père ici au Canada, et je sais cependant que les lance-roquettes et les mitraillettes utilisées dans leur film avaient été obtenues de manière illégale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il dure d'ailleurs retarder la sortie du film de ce soir de plusieurs mois, attendant le permis d'utilisation d'armes lourdes au cinéma, qui leur donnerait le droit d'utiliser légalement dans leur film toutes les armes qu'ils avaient déjà utilisées dans leur film. Mais qui sont les Twin Dragons? Pourquoi les Twin Dragons font des films? Qui sont les alliés des Twin Dragons? Pourquoi s'appellent-ils Twin Dragons? Et puis pourquoi gardent-ils leur vrai nom pour jouer les personnages de leurs films? Sont-ce des documentaires? Mais McCain, qu'est-ce que t'as fait à mes frites? Les Twins sont petits, 5 et 4, 5 et 5, trop petits pour jouer au hockey. Et puis ben c'est pour ça qu'ils ont commencé des leçons de karaté dans les années 60. Portés par leur succès en tournoi, ils ouvrirent le premier de leur Twin Dragon Gym quelque part vers la fin des années 70, ce qui cristallisa leur réputation dans la région de la Ville-Reine. Comme ce sont les fils de leur père, ils passaient beaucoup de temps à leur chalet familial situé sur l'île que leur père a jadis acheté sur la baie Georgienne. Assez spéciale cette baie Georgienne. L'eau y est très basse, plus pure qu'à beaucoup d'autres endroits, et l'île de Manitoulin au nord de la baie est la plus grande île en eau douce au monde. Et pour les fans de Richard Glenn, la baie Georgienne est considérée comme faisant partie du programme de la réserve de la biosphère de l'UNESCO, ou biosphère planétaire terrestre, comme le dit le moustachu, ben, tout comme le Mont Saint-Hilaire et le Devil's Tower au Wyoming. Prêchez-moi une shot de vodka, là. Anyway, c'est sur le littoral de cette baie que les Twins ont développé leur habileté à la chasse, au camping et à la vie sauvage. Si vous avez vu un de leurs films, vous comprenez l'importance qu'a la nature dans le monde des McNamara. Tout ça passe au chalet. Donc, en 1985, ils ont des armes, ils ont un chalet, ils ont une île, Ils ont des élèves capables de prendre et recevoir des coups. Ils ont des pitounes à faire kidnapper. Ils ont de l'argent en masse grâce au succès des Twin Dragon Gym. Que leur manquait-il pour faire un film? Une idée? Mais ils n'allaient pas se laisser arrêter par ce détail. C'est ainsi que l'on retrouve les Twins qui décident de passer un voyage au chalet d'une manière originale, tourner un long métrage. Ils ont amené leurs armes, leurs élèves, leurs pitounes à kidnapper et ont laissé le spectre honni de l'innovation chez eux pour garder le chat. On va voir ce soir le film tourné durant l'été 86. Twin Dragon Hunt, le deuxième volet, fut tourné l'été d'ensuite en 87. Puis les deux ont été relâchés en 88 en même temps. Une fois qu'ils ont eu le permis. C'est assez facile. Ouais, ils ont entendu le permis. Quant à McCain, ben, je suis content de vous dire qu'on l'a sous bonne garde. On est en train de le passer au questionnement sévère jusqu'à ce qu'il craque et nous confesse ce qu'il a réellement fait à nos fucking frites. Ben, je le sais, moi. Ils ont mis du fluo sur l'emballage, puis ils étaient vincent, bien sûr. On les a tournicolorés, on les a épicabulés. Ils les ont tire-bouchonnés. Tire-bouchonnés, oui. Pas de grosse différence. Ils les ont tirés dans le fond. Ils ont tire-bouchonnés. Ils ont mis du ketchup dessus! Non, c'est fini. C'est fini. Le contrôle est fermé. Fini, fermé, man. J'ai-tu mon slap chick? Oui, aïe, it's Vince with the slap chick. Slap chop. Non, il veut pas. Fait ça. Regarde, t'inquiète, je vais t'amener de la vodka. Là. Je vais enlever l'autre bord. Ah non, pas avec le goulot des rats direct dans l'entonnoir. Aïe! Non, c'est ça, il veut all pas. I see is face. Je l'ai, c'est le all day, every night. Vu que vous dites rien, moi, je vais vous apprendre. Mais non, mais parle-nous de ton voyage au lac Saint-Jean. Oui, j'ai appris quelque chose. Un nouveau mot. J'ai appris le mot cheddarisation. Ah, c'est fade. C'est un mot à la Trunk 25? Ouais. Non, cheddar. Ben, peut-être. C'est un vrai mot, peut-être. Quoi, oh, oui, cheddarisation. C'est parce que. Couvrir parce de cheddar. Parce que dans mon voyage, je suis allée au musée du cheddar. Non, mais j'ai pas visité, je viens qu'aller acheter des cochonneries. Ben, du fromage. C'est super bon, du chocolat, des pâtes trappistes, puis tout. Puis il y a une série de photos dans la fromagerie, dans la boutique. Il y a une série de photos qui vous montrent le processus de fabrication du fromage en crotte. Perron qui fait quick, le meilleur au monde. La cheddarisation. Avec le. Bon, il y a le salage, le séchage, l'emballage. Tu sais, comme tout, non? Oui. Puis il y en a un que c'est la cheddarisation. C'est quoi, c'est quoi la cheddarisation? Ben, c'est une photo d'une montagne de crottes de fromage. Là. Ah, c'est ça, c'est juste. C'est un néologisme qui nous affirme c'est que ce fromage est du cheddar. C'est ça, ils font juste le baptiser c'est comme la ça. Mozzarella. Fait que dans le fond, marqué cheddar sur l'emballage, c'est la cheddarisation du fromage. Ils sont absolument passés par là pour devenir un cheddar. C'est fabuleux. Et puis sinon, parle-nous donc du gâteau Robert Val. Un petit peu. Ah, ben d'accord. Si tu veux qu'on en parle du gâteau Robert Val. Ah, ben oui. Parce que je vous en ai apporté. Bon. Si vous voulez goûter, il va en avoir plein au brouhaha, ceux qui écoutent en direct. Puis. Quoi, il y en a d'autres? C'est un. Ouais, il y en a d'autres dans le char. Un plus gros, apparemment. Tommy m'a appelé d'urgence sur mon cellulaire pour me dire Evelyne, je pense que t'es mieux d'en apporter deux. Ouais. Ouais, ben ça. Là, j'ai dit, je prends-tu les gros ou les petits? Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà. Il y en a deux. Il y en a un qui est quasiment non, le gâteau Robertval est inventé par Carl Murray, un originaire de Robertval. Je lisais sa petite bio tantôt sur Internet, puis ça disait, il a commencé à faire la cuisine à 10 ans au restaurant de sa mère. Puis c'est quoi ses plus beaux souvenirs? C'est le restaurant de sa mère. Okay, passe-moi de la le restaurant. Puis il nomme jamais le restaurant. Ouais, je sais que je suis déjà allé manger là, mais je le sais pas. Fait que t'es sûr que c'est un originaire de Robertval? On peut-tu voir des baptistères? On a-tu accès à cette information-là? Non, je pense pas. On peut l'appeler. Parce que je veux dire, il y a un président aux États-Unis, là, on sait pas encore s'il est américain. Là, il nous a pas montré son baptistère. Non, il nous l'a pas montré. OK, mais en tout cas. Est-ce qu'il a été Robertvalisé? Je dirais quand même que s'il nous a inventé un gâteau, c'est peut-être moins grave. Que s'il se ramasse président de notre pays. Attention. Puis, donc, il y a des bons résultats. C'est super beau. Le gâteau Robertval a quand même gagné des prix. Il a été, comme c'était dans le New York Times et le New York Gourmet Book 2006. C'est une étage de farine de gourgane. Donc, la gourgane qui est notre. Ben oui. Qui est une fève. Qui est un mot. Qui est une fève. Qui est un mot. Qui fait des soupes. Qui fait une très bonne soupe. Qui fait un festival aussi. Le festival de la gourgane. C'est une légumineuse. Ouais, c'est vrai. C'est une légumineuse qui a une texture et un goût propre à elle-même. Oui. Voilà. On laisse-tu Evelyne faire sa chronique? Ouais. Parce que toi, t'en parles pour rien dire. Appelons-y une chronique, ouais. Puis ensuite, il y a une couche de fromage à la crème faite avec du fromage à la crème. Perron cheddarisé dans les locaux de la fromagerie d'Albert Perron. Il paraîtrait-il que la reine en mange à tous les matins du fromage Perron? Je pense que le monde de la place se valorise procuration. J'ai entendu à travers la reine. Ouais, ouais. La reine. Je viens juste de l'entendre. La reine du Canada. OK, on est en même place. Ouais, puis après la couche, après la petite couche, qu'est-ce qu'il y a? Des bleuets lac Saint-Jean et surmonté d'un chocolat blanc des Pères Trappistes, surmonté de bleuets encore une fois. Il n'y a pas des noix? Il y a des noix, j'ai craqué quelque chose, moi. C'est du gramme. C'est du bleu. Ça devait être des bleuets. Il n'y a pas du gramme. Ouais, mais ça, c'est comme dans la farine de gourgane. Ah, dans la famine, dans la famine de gourgane. La famine. Yeah. Gourgane dans sa famille à elle. Ouais. C'est ça. Puis surmonter le tout, mettre dans la bouche, tu l'aurais fermé. Tu me laisses tu finir. Surmonter le tout d'un petit rond de chocolat avec le logo de Robert Val. C'est moi qui l'ai mangé, évidemment. Hey, mais peut-être tu aurais recommencé à décrire les étages en raccourci parce que là j'ai oublié ce que, par quoi ça a commencé. Farine de gourgane, fromage à crème Perron, bleuet. C'était une farce. Ah oui, donc là. Non, vas-y. Il y en reste juste une. Eh oui, t'as bien parti. Il en restait juste une. Pour ceux-là qui veulent savoir le reste. J'ai fermé le micro. Vous irez à Robert Val, OK? Allez sur le site internet. Alors la recette ne sera pas en ligne sur notre site. Mais non, mais venez au brouhaha, vous allez goûter. Ouais, venez à manger si vous allez vous faire une bonne idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'en as ramené, qu'on a mangé, qu'on est en voie d'en digérer. Puis tant qu'à bon. Parler, après, je vous sac la paix, là, mais j'en ai mangé, tu sais. Puis là, c'était le temps des fêtes, puis là, j'en ai mangé plein. Puis là, je suis allée chez une de mes amies que je vois pas souvent hier, puis son chum, je le vois encore moins souvent, tu sais. Puis c'est des fermiers, puis tout. Puis je suis sûre qu'ils écoutent pas. En tout cas, j'arrive chez eux, puis là, ça fait comme 2 ans que je l'ai pas vu. Puis ils me pognent les bourrelets, mais tu sais, en me disant « Hey, t'avais pas ça la dernière fois que je t'ai vu? » J'en revenais pas. Comme accueil, hein? Fait que là, je pense que finalement... Il est sûr que tu manges moins de ouais, c'était hallucinant. Ah bon, tu restes à choper, non? Okay, ouais, non, ben finalement, je pense que... Non, mais je pense que finalement, je vais suivre les conseils de Dan Millman et adapter mon alimentation à faible en gras, moins de viande. On avait dit ça l'année passée. Plus d'exercice. On avait parlé. C'est la résolution pour 2010? Ouais, il y a juste Bruno qui devrait avoir un petit peu de poisson dans sa diète. Sinon, tout le monde, c'est végétarien, sans gras. C'est ça. Moi, il faut que j'aille un petit peu de poisson dans ma diète. Moi, il faut que j'aime ce que je mange et que je mange ce que j'aime. Ça t'aime. Ouais, c'est ça. Ah, bon, mais j'ai réoublié mon livre à Robert Val. Je voulais faire Célotte Predge puis Alex Arnold, hein, pourquoi pas. Qui ont peut-être la même. Aime ce que tu manges et ta bouffe t'aimera. Je vais prendre vos dates de fête en note. Et puis parlant de, moi, je voulais juste dire rapidement que parlant de résolution de l'année 2010, j'ai lu dans une revue, je sais plus laquelle, la semaine ou un autre du genre, qu'on voyait les résolutions des artistes. Et puis Luc Sené, lui, il disait « Ah, moi, j'ai jamais vraiment pris ça des résolutions, faudrait bien que je commence. » Fait qu'en grande primeur, c'est madame, messieurs, pire, la résolution de Luc Sené, commencez à prendre des résolutions. Voilà. Je pense que c'est important que ça soit publié et dit. Là. Faut que le monde sache. Sur du papier glacé. Ça transcende de vérité, ça, mon gars. Y a-tu pensé à ce qu'il a dit, tu penses? Je pense pas. On va y aller avec la famille. Mais y a-tu pensé qu'elle allait le publier, surtout? Je veux dire, il l'appelle, il répond, il s'en fout. Je vais répondre de quoi qu'il passera pas. T'sais. C'est ça. Puis après ça, il raccroche. Puis sa femme a dit, c'était qui? Tu sais, un gars qui m'a demandé. Un 7 jours, là, numéro 1, là. Tu sais, le 7 jours, le numéro 1, là. Le premier de tout. Ouais, pensez-vous que ça se vend cher, ça? Peut-être, hein? C'est une pièce de collection? Ceux qui les ont, même. Je serais pas surpris. Défendre ça sur le vie. Moi, je serais prêt à payer un montant. Est-ce que, mettons, quelqu'un qui l'a, penses-tu qu'il l'a déjà relu? Ben, sûrement que non, pour le garder en bon état. C'est vrai. Ben, seulement si ça se trouve dans une clinique. Ou c'est, comme des épisodes de Rire à bien, puis c'est plus drôle. Non, c'était pas drôle dans le temps. Un défi encore plus grand là, que je veux vraiment, là, parce que là, j'ai trouvé quelqu'un qui trouvait Stéphane Rousseau drôle. Ah, tu sais, que tu le regardes dans les yeux, puis tu dis, tu le trouves drôle. Oui, je le trouve drôle. Et puis là, je cherche quelqu'un que son idole, c'est Francis Reddy. Ah, ouais. Et puis je cherche aussi une statuette des satellites popettes. Tu sais, tu pouvais gagner le Trafic Cosmos, j'en ai un, man. Ouais, non, il y a ça, lui. J'étais allé au satellite popettes quand j'avais 10 ans. J'ai ramené le Trafic Cosmos fièrement. Puis je l'ai encore, il est sur ma bibliothèque parmi mes figurines des X-Men. Mec, tu viens entouré de ses semblables. Tu verras ça dans mon sous-sol. On sait pas, tu pourras y demander, mais peut-être que le Trafic Cosmos son idole, c'est Francis Redé. Tout serait réglé, là, ça serait parfait. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça serait pas pire de l'amener à la fille, à Véronique, des ateliers Némésis, puis qu'elle nous fasse une qu'elle série. Qu'elle en fasse un autre? Moi, je Moule de capitaine. Ah non, je pensais une série d'idoles de Francis Redé. En silicone. Chris, man, Dieu y abandonnerait. Il y a des limites. Mais c'est ça, moi, j'ai rencontré Capitaine Cosmos et Vermicelle. Chanceux. J'ai mis quelque chose dans le tiroir de ma mémoire. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est Pluton est la seule planète du système solaire qui, comme la Terre, a juste une lune. Fait que c'est resté dans mon tiroir de la mémoire. Ouais, c'est ça. Fais ton what parce que t'as rencontré des planètes. En fait, il va falloir que tu sortes parce que c'est plus une planète. Ben non, c'est vrai. Ça. Il y a tellement de continuité dans le discours, j'en viens pas. C'est pas de bon sens. On a beaucoup de choses à dire. Ça a aucun de bon sens. C'est pour ça qu'on va aller écouter. Je te cœur pas avec ça, tu sais. Tu t'es rencontré pour vrai? Ben oui, j'ai chanté pour la reine. Ah ouais? Ouais. Dans Ottawa, en comme 2000, quelque chose. Tu l'es pas, c'est nous autres qui va t'écœurer avec ça, bref. Non, regarde, j'en ai fait de la cochonnerie. Il a travaillé dans Nitro aussi. Ben ouais, j'ai jasé de la température avec le prince Charles. Ça m'intéressait autant que ce qu'il disait, là. Ben, ça va être... Je pensais que t'allais dire avec GLT. GLT, non, mais j'ai travaillé avec lui sur le plateau de Nitro, par contre, puis pendant qu'il faisait... qu'il ressemblait à Simon Perrot. Ben oui, il s'écartillait, il faisait son split, là, sa gravelle en attendant. Son ouais, parce que c'est la sienne, là. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'étais de dos à lui, je bloquais des rues parce qu'il y a des effets spéciaux en arrière, fait que là, il fallait pas que le monde passe, puis là, moi, je chantais pas trop fort, mais pour qu'il m'entende, assez. Ans, j'ai la force et la rage, qui est la chanson tirée de son album Lado. Oh, il est parti à rire jaune, ans. J'espère. il a rigolé quand même. Il a l'air à s'assumer quand même. Ouais, on écoute la gamique simplicité. Ah, je veux pas. Ben, too bad. On revient après, ça va être la chronique vodka. De Simon Préjean. Reste la vodka. Sûrement qu'on la finira pas en plus. C'est qui chauffe, là? C'est le choix beat de la planète. Ah, c'est déjà ça, c'est énorme. Tabarnak! On revient, ce sera pas long. Imagination à l'abandon, portez en moi toutes les bonnes intentions. M'évader de ce piège qu'on appelle cité. J'ai pris la clé des champs car le bonheur est dans le pré. Pressé, stressé par le temps qui fuit. Consciente que moi aussi je finirai dans l'oubli. Inerte et seule, certes, j'irai à la découverte de ces vertes prairies. Espérance infinie, finaliste du tournoi existentiel. Je suis celle bien réelle ici-bas. Prise entre quatre parois, je n'y crois pas. Le peuple aboie sans mordre comme Mao. Remettra le chaos alors. Y'a des jours où plus j'avance dans cette brosse en peine, plus j'éprouve un malaise incertain. Je recule, prends le temps de souffler afin de ne pas basculer. J'avoue, parfois j'aimerais mieux tomber, m'enliser, m'enfouir dans les sables mouvants de mon inconscient. M'échapper un instant de mes peurs, de ne pas être à la hauteur, pour esquiver la matérialité à laquelle tous les jours je suis confronté. Leave it, chilling for a while. C'est impossible, on passe à un indicatif, on s'excuse, ça a déjà été numéro un quelque part, rien à faire. Hello, my name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth, wireless internet, card, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spouse and listen to 70%, 70%. C'est non, mais beau, c'est quoi ça? Bon, c'est un vieil indicatif que Sommer avait fait avec son ami Michel. Ça fait longtemps que ça qui était népalais ou néganou. Il était né dans un palais, tu dis? Bon, peut-être. En tout cas, Simon Préjean? Hey, il était temps en sacrament qu'il finisse ce temps des fêtes-là, man. Hey, j'étais plus capable de manger du brun. J'étais à veille de faire comme Richard Martineau puis irait végétarien juste pour faire mon frais chier, esti. C'est pas des farces. Il mange mieux en prison, tabarnak. N'empêche que j'aimerais faire un léger retour sur 2009 juste pour vous donner la nausée puis vous rappeler qu'on est très peu de choses. Tout d'abord, y en a-tu qui ont écouté le bye-bye site? Y a-tu eu un bye-bye? Il n'y a pas eu de bye-bye cette année, fait que ferme ta gueule. Par contre, la clique de Furoncle, la petite vie, qui ont fait un spécial de Noël, puis tabarnak, ça faisait longtemps que j'avais pas contemplé de la diarrhée comme ça. Asti, une heure et demie de marde, peut-être plus, je sais pas, un moment donné, je sacrais mon camp. Asti, c'était pourri, on aurait dit que le texte était improvisé à mesure, calice de has-been. Paraît qu'il y a eu des funérailles pour enterrer cassette originale de l'émission très spéciale. J'ai manqué les funérailles, mais anyway, vous savez tous, j'aurais craché sur la tombe, je te jure. Sinon, dans mes soirs de party de famille de Jigueux, on m'a attaché une chaise pour me faire entendre le style d'album de Noël de Marie Chandail tout plein. J'ai justement un extrait ici, on va en entendre un petit bout. Oh! Ben oui, on va entendre ça. C'est un petit extrait, ça, merci. Non, l'extrait, c'est ça, là. Alors, on reconnaît la voix de Marie Chandail tout plein. Driller in the night. On reconnaît la chanson Vive le vent. Ouais, c'est bon. Et là on approche du refrain là, le refrain maintenant. Hey, c'est vraiment. Tu me le copieras après, non? C'est bon, man, c'est bon. Bon, c'est sûr que ça ressemble un peu comme une visite chez le dentiste, mais oui, c'est ça. tabarnak, on l'aime tellement au Québec. T'sais, voyons, tu peux pas rire, Marie Sandal. C'est la nouvelle Marjo. Je suis sortie avec mes chums de quilles. Au début, je trouvais ça original et humble de sa part de ne pas apparaître sur sa pochette d'album. Puis finalement, à force de regarder, j'ai finalement découvert qu'elle y était. C'est pas clair, mais regardez attentivement, elle se cache derrière ses boules. C'est pour ça que je déteste les sacrements de terroristes. Ils s'attaquent jamais à ceux qu'on voudrait, esti. Ils auraient pas pu garracher des kamikazes ou un bat de perche chaude fédéral. La liste des culottes de Vincent Lacroix, Mario Ducon, Dumont. Ben non! Ils ont essayé d'emprunter un avion pour la fin de semaine sans checker s'il y avait du monde dedans avant. Maudite bande d'innocents! Ils ont tout fucké les vacances de notre beau babette Obama, là. Puis c'est encore nous autres qui vont payer en attendant en fil comme des Claude Dubois pour un vaccin, esti. On a plus le droit de rien traîner. Dernière fois que j'ai voulu prendre l'avion, esti, ils m'ont crissé dehors sous prétexte que je prenais deux sièges à cause de ma poupée gonflable. Puis pour aider ma cause, Cindy, la dite pétasse gonflée en plastique qui me servait de compagne, avait traîné un assi de coupon, un coupe-poil de nez ou je sais plus trop, qui aurait pu servir au détournement vers Copenhague. Fait que l'assi nous ont collissé en bas par le bleu en nous lapidant de leur Tamagotchi. J'ai tout dénué mes vacances de touriste sexuel. Mais revenons à Copenhague! Assi, qu'est-ce qu'on est allé crisser là-bas, nous autres, sacrement? Tout le monde voulait notre mort. Puis là, je parle des Canadiens, là. Pas les poussées de bouse, là, mais les citoyens canadiens. Assi, tout ça à cause de Stephen Loser pis les calices de sable bitumineux de l'Alberta. Hostie, on a gagné la troisième, deuxième pis le premier clown du pollueur de l'année. Tabarnak. Pourquoi tu t'énerves, toi? C'est ça que je voulais entendre. Bon, oh, voilà. Ça fait pas mal plus de sens, à même. On a passé pour une belle gang de caves, comme moi avec mes effets spéciaux. C'est pour ça que les Québec veulent se séparer du Canada. C'est pas pour des questions économiques de pouvoir ou de fierté ou de pédophilie. Mais non, c'est parce qu'on veut pas être associé à vos tabarnak de plan nègre qui vous foutent la merde partout dans le monde. Ah, mais qu'est-ce que je dis là? Dans Wow Minute, patap, on est pas mieux au Québec, Chris. Qui se ressemble, ça semble, mais les contraires s'attirent. Mais c'est ça qui se passe quand tu laisses les portes de screen du pays tout grand ouvertes. On se ramasse avec n'importe quel crétin aux idées connes. On a assez des Anglais venus faire chier, on n'est pas obligé en plus d'accueillir des containers, des migrants, des axés sur les symboles religieux, les sapins de Noël pis l'effervescent Coran, tabarnak. On dirait que ça débarque juste pour foutre le trouble ou réaliser leur rêve, passer à la TV. Asti, c'est comme l'autre Christ, là, quand, tu sais, il a trompé sa femme avec la population entière de je sais plus quel continent, là, tu sais, le poivré, là, voyons, Asti, Anthony Cavana, Barack Obama, Grégory Charles, en tout cas, anyway, c'est tout le même gars, ce monde-là, anyway, là. Appelons-le le tigre des bois. Esti, c'est de toute façon, c'est le même gars qui change de vêtements et d'accessoires comme les nouvelles poupées de pute plotte avec les grands yeux globuleux, là. Je veux dire, c'est évident qu'on s'en calisse de cette histoire-là. Pourquoi j'en parle, hein? Pourquoi j'en parle? T'sais, on s'en fout dans le fond, pourquoi j'en parle? Ben là, esti, répondez-moi, je suis tout seul, site, vous suivez pas, Chris? Pourquoi j'en parle? Parce que ça te donne d'en réfléchir. Calisse! Mauvaise réponse, astie. Puis anyway, le temps est écoulé. Mais la réponse, c'est parce que ça fait chier de la marde. Comme les hippies, les nerds qui nous annoncent la fin du monde, astie. Qu'est-ce que c'est ça? Les écoles l'ont prédit, c'est l'apocalypse en 2012. Moi, je croyais pas à ça, pas une seconde, astie. Moi, à fin du monde, en calice. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'Éric Lapointe arrête de boire. Hey, c'est bien clair qu'on va tous y passer, là. Je veux dire, Éric Lapointe, sobre, astie. Qu'est-ce que c'est ça? Mauvais présage, c'est un signe. On va tous mourir, enfer et damnation. Le H1N1 est un bon exemple. Il a même fallu, est-ce que notre beau Eric réapprenne à marcher ce soir? Il savait plus comment utiliser ça, de l'équilibre. Une shot de vodka. Une shot de vodka. Hey, je te passe la bouteille, ma cochonne. Mais après ça, si tous les cafés italiens pis les gangs de rue s'attaquent au cocktail Molotov, cocktail, cocktail. Cocktail! Excuse-moi, le mot cock qui revient. Bon, qu'est-ce que je dis? Ah oui, ça s'attaque au cocktail Molotov à bouche que veux-tu, puis la police se demande pourquoi. Eh oui, on dort, on va te le dire. Oui, pourquoi, tabarnak? C'est parce que t'as grissé tous les motards pis Myriam Bédard en prison. C'est normal que les autres gangs de pocheurs pis de pimps veulent prendre le contrôle de la ville, là. Mais pas la mafia. Eux autres, ils préfèrent s'occuper de la construction. Qu'est-ce que tu veux? Ils connaissent ça, le béton. Ils en ont assez noyé de délateurs, les deux pieds dedans. Mais là-dessus, je vais me taire, question de ne pas finir dans le béton avec la fille de Bob Gainey. Mais partez-moi pas sur le chum non plus. Non, t'as affaire, ça. Jonathan Roy, Michael Jackson, pis le fif avec Xavier Dolan. Ah, si, m'a encore être pogné pour m'en payer du sang comme au Walmart durant le Boxing Day. Néanmoins, je vous offre ma brève, mais très, très éloquente rétrospective de 2009. J'espère que vous êtes prêtes. La voici. Et voilà, c'était ma rétrospective. Ben ouais. Faites ça. Huez-moi tant que vous voulez. Vous le savez que j'ai raison, Asti. C'est la faire... femme heureuse qui veut rentrer. Puis 2010 voilà. Commence bien mal. Moi, hier, je suis tombé sur le gala Célébration 2010. Ah! Oh, tabarnak de petite cossin de gratin à marde de pourri de calice de l'Auto-Québec. Asti, là. Mais tout là en plus. Ah! Hey, vous pouvez pas me faire croire que vous aimez pas ça manger de la marde. Vous trouvez ça raffiné? Ben, assumez, tabarnak. Puis je compte sur vous autres pour que 2010 sente autant l'arrêt de politicien. Comme ça, je vais avoir plein de sujets pis chialer dans le vide pis je perdrai pas ma job. Je vous souhaite une année 2010 brune, remplie d'une myriade de cataclysmes. Ah oui, excusez, j'oubliais, j'ai reçu un email d'une plot cette semaine qui voulait savoir quelle était ma résolution pour 2010. Eh bien, la voici. Ma résolution pour 2010, c'est 1024 par 768 pixels. Merci, fermez vos gueules, je vais plus jamais entendre parler de 2009 à marde! Merci. Et voilà. Tu vises pas haut pour ta résolution. Tu pourrais t'acheter un écran HD, come on. on va faire le ménage de Bill pendant ce temps-là. Étienne, veux-tu prendre le contrôle? Merci, ouais. Predge. Ça fait toujours du bien, une dose de Predge. T'avais comme le feu à la place que d'habitude. Au cul, là, sti. J'arrête qu'il chauffe. Bon, moi, j'ai une nouvelle aussi. En ce moment, je veux passer une petite toune qui n'a pas rapport avec mon thème. Je suis rapport avec la nouvelle. Donc, en ce moment, on entend Claudette Dion sur son album. Claudette Dion chante Piaf. Hey, elle a un album? Oui. Pour vrai? Elle en a plusieurs. Ouais, pour vrai. Elle en a plusieurs, mais ça, c'est comme le dernier. Ah, ça dit bien. Donc, j'ai lu ça dans le 7 jours et je l'ai devant moi ici. 7 jours de Noël, là. Je sais pas c'est quel, là. 7 jours de 25 décembre, tu sais, direct Noël. Ouais, c'était. On parle en page couverture, 15 ans d'amour de. Connu de René Angelil. Il chôme pas en hostie, pareil. Puis là, à page 5, on dit, attention, Claudette Dion dans une émission de télé-réalité française, point d'interrogation. Puis là, en gros, rien n'est confirmé. Mais si on lit en dessous, ça dit... Ça, c'est de la nouvelle, hein? Ça l'arrive souvent, ça, dans le 7 jours, oui, quand même, qu'ils disent, genre, telle fille jalouse de telle autre fille. peut-être. Mais c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Il se passe quelque chose. Eh bien, non. Donc, en dessous, ça nous dit, selon plusieurs magazines français, Claudette Dion serait actuellement pressentie pour participer à La Ferme des Célébrités. Oh, oh, Jordi a gagné. Elle va y aller comme creative consultant. Non, non, mais elle va vraiment être une participante. Là. Une émission de télé-réalité française. Le concept consiste à rassembler une quinzaine de losers, de célébrités issues de tous les milieux dans une ferme agricole, par opposition aux fermes urbaines, pour une durée de 10 semaines. Chaque star participe au profit d'une association de son choix. Ça va sûrement être l'affaire de la fibrose kystique à Céline. Les vedettes doivent, d'une part, apprendre à vivre ensemble au quotidien dans un confort sommaire. Et d'autre part, ça va vraiment là-bas. Pas faire de bruit quand ils se branlent. Oui. Se laisser pogner bourrelet par le mort de la maison. Ouais. Ainsi que soigner les animaux. Qui sont tous malades, apparemment, je sais pas. Non. Ils doivent parler des autres concurrents. Là. Ah, peut-être. Claudette Dion est surtout connue en France, là, comme étant la sœur de Céline. Ah, voilà. Ici, on la connaît pour plein temps. C'est vrai qu'ici, elle a une personnalité toute propre. Complètement à part. Même si elle a déjà eu un succès d'estime avec son spectacle, Claudette Dion chante Piaf. Hein? Ça, tu vois, j'ai parti à bonne tête. La prochaine saison de La Ferme des Célébrités devrait se dérouler en Afrique du Sud, dans un contexte complètement nouveau. On annonçait aussi la collaboration d'Adeline Blondio, ex-femme de Johnny Hallyday, et de Surya Bonelli, championne de patinage artistique. Ça, on s'en sac. De source sûre, la participation de Claudette Dion ainsi que celle des autres invités à l'émission n'est pas confirmée. Alors, attention, de source sûre, ce n'est pas confirmé. Ouais, mais ça serait une super c'est ma nouvelle phrase préférée, ça. De source sûre, ce n'est pas confirmé. La chanteuse sera encore en pourparler avec les membres de la production. Alors, Lilian, Chat, si tu nous entends, je compte sur toi pour enregistrer ça quand ça sera confirmé et que ça passera chez vous. C'est pas n'importe qui nous l'a pas confirmé. Non, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Ce serait une super belle occasion pour Claudette de se faire des nouveaux amis. Ouais, rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit bien. On voit bien. Depuis qu'elle a pu son écorce, là, c'est sentiment. On est passé au travail pour dire. De la toune. Ouais. C'est comme qu'ils disent. Ça nous permet de passer la toune. Ouais, j'aime mieux la version de Corey Hart, personnellement. Moi, j'aime mieux Corey Hart quand ils ont chanté à TVA et que ça n'a pas marché. Ouais, ça aussi, c'était bon. Ah, ça, mais ça, c'est. Fait que là, on est rendu maintenant. Tiens, regarde, j'avais dit que je mettais plus de toune à Noël, mais j'en passe juste une spécialement pour Evelyne. De Claude François. Ah, calice. En rêvant Noël. Je suis toute dure. Quand j'étais triste en me réveillant, oh boy. Moi je Shadow me vodka. Consolais en rêvant à Noël. Noël, Noël. À Noël. Elle est sympathique celle-là, hein. Qui tu parles, là? Il a bien pu cacher son deuxième enfant au public pendant des années. Je suis sûr que les achats un peu de cadeaux à Noël. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Sinon, ben, j'ai un message ici qui me provient directement de Fidèle Lachance, qui nous souhaite tous bonne année. Bon, c'est un petit peu passé date, mais ça marche avec n'importe quelle année. Les garçons, les filles avec elles, c'est quand ça se passe dans le temps, les fesses, c'est comme la canette, c'est comme un bon. Bon, je vous souhaite cette année, en 2017, une belle année, et puis du bonheur. Du bonheur parmi vous, toute votre famille et ainsi que vous autres même aussi. Ah ouais, ben merci. La joie que vous répandez partout où vous allez aller. Vous souhaitez ça dans le 2017. Puis autrement dit, l'amour. Partagez l'amour et la fidélité. Ah oui. Ça, la fidélité entre vous autres. Tu comprends? La fidélité partout ce que tu entreprends. Oui, c'est ça. Surtout là. Partout ce que tu entreprends. On aime beaucoup la fidélité pour les couples. Partout que tu vas de l'amour. Partout que tu entreprends. Oui. Votre famille et puis vous autres aussi. Merci, fidèle. Le jour de l'an, c'est que c'est une chanson que. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes, mais c'est une chanson du jour de l'an. Ah, okay. C'est se donner la main, l'amitié, le pardon, la fidélité. Pour recommencer une nouvelle année. 2017. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. C'est-tu un fargé dans 5 ans? Un petit peu un bout. Non, il est en train de tomber des marches avec. Attention. Il est presque rendu en bas. Ça vient de fidèlelachance.com, vous allez voir. Ah oui, fidèlelachance.com, des heures et des heures, des heures de plaisir. Beaucoup d'heures. Bonne année! Ah, Merci, Fidèle. Voilà. Donc, encore! Fidèle, non, non, non. Oui, oui. Non. Donc, Fidèle, je suis allé voir. Il y a un MySpace aussi, Fidèle. Et puis, je suis allé voir sur MySpace. Puis, à la question « Who I'd like to meet », donc « Qui aimerais-je rencontrer? » »« Qui aimerais-je viande? » C'est ça. il nous dit « Je souhaite, comme tout homme, rencontrer une femme à l'image de ma mère. » Parce que apparemment tout homme voudrait rencontrer une femme à l'image de la mère de Fidèle Lachance. Chris, non. Ça, c'est mal connaître ma mère. Avec... Non, mais c'est à l'image de la mère de Fidèle Lachance, je pense. Ça. Ah, ben, ça peut-être. Ah oui, c'était cool, écoute. Avec ma première femme, Carmel, ça a fini par céder parce que nous n'avions pas les mêmes objectifs de carrière. Je me voyais déjà faire des tournées à la grandeur du Canada, mais elle préférait faire le tour des tavernes Beauceron. Qui avait raison, finalement, Fidèle, hein? Qui avait raison? La maman. C'est vraiment vrai? C'est vraiment ça qui est écrit. Qui aimerais-je rencontrer? Il est rendu qu'il nous parle de son divorce. Ouais, ben c'est parce qu'en fait, moi, l'histoire que j'avais compris, c'était qu'il a inventé la toune Fidélité pour se purger de l'infidélité de sa femme, là. Ben, okay. Je pense que c'est clair. De ce qu'on a vu en entrevue, là, je pensais que c'était pour faire, je pensais que l'idée, c'était qu'il voulait copyrighter le mot fidélité. Il y a ça aussi. Ça, c'était en pourparler. Ah mais... non, c'est sûr. Ah, regarde, on va mettre de quoi au clair, là. Je dis pas qu'on a raison à 100%, mais disons 70%, à 70%. C'est pas mal sûr que fidélité, c'est une chanson pour sa femme qui l'a trompé. Que à partir de la sortie de cet album-là, il est tout seul. Oui. Il habite seul, là, maintenant. Oui, puis c'est un signe. Il suit des cours d'anglais. Oui, puis il fait de la télé à l'heure. Mais non, il y a plein de signes. Écoute, je me suis renseigné quand même, là, puis de source sûre, tout ça n'est pas confirmé. Tu sais, nous autres, on aime la France, mais lui, il rentre, puis ça marche. Mais oui, on en parle en ondes, fait 15 minutes. Oui. Fait que maintenant qu'on est rendu dans les vues de bonne année, ben j'ai la chanson. Je vous ai parlé de la famille Soucy, la famille Larrain. On a la famille Marino. C'est vraiment la loser des familles qui chantent. C'est tout le temps mauvais, la famille Marino. Il n'y a personne qui a vraiment une once de talent là-dedans. Ils font des chansons à répondre en mineur. On n'embarque pas en tout. Puis ils chantent personne sur le même ton. Fait que je vous parle la chanson Joe Delan. OK, check it out. Tu réponds? Vous pouvez essayer, mais... Écoute-la une fois avant. C'est ça, tu répondras, tu me répondras demain. OK, écoutez surtout le début, c'est fort. C'est vrai que c'est bon comme début. Ouais. Attends. J'ai dit bonjour, ma mère. Mon petit papa est-il absent sur les mains? Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. J'ai dit bonjour, ma mère. Mon petit papa est-il absent? Ah, oh, c'est bon, hein? Plus fort. Ah, mais non, ma fille, il doit être au bâtiment, assurément. Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Mais non, ma fille, il doit être au. Ça vous rappelle sans doute le temps d'une dame? C'est de là que ça vient. Est-ce que t'es signé au bonhomme qui s'en vient à trottiner, assurément? Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. C'est quelque chose, hein? Regarde, juste vite de même, là, je conclue avec ça, là, je pars un autre de la famille Marino. Nous sommes partis, une gang. Tu sais, t'as pas dû embarquer à ça, non? Nous sommes partis, une gang, c'est pour aller veiller. Non, ça y est, c'est comme la gigue evil, qu'est-ce que c'est? Tu dirais une chanson à répondre de l'Halloween. Les squelettes se sont levés, le vampire vous a mordu. Ah la la la, il vous a mordu. Il s'est démembré. C'est ça, la famille Marino, c'est un bel exemple de détermination. Il continue d'en disquer des affaires. Ça, c'est tiré de 25 tonnes de chez nous. J'ai acheté ça à Magog l'été passé, au Dollarama. Magog, Dollarama de Magog, c'est plein de surprises. Ouais, il y a des maudites belles affaires. Ils ont le 10 du petit Jérémy. Bref. Ouais, ils ont plein d'autres affaires. Hey, si vous voyez des 10 du petit Jérémy, vous les achetez toutes. Là. Ouais, faut l'encourager. Hein. T'as pas besoin de me le dire. Les 10 de Steve aussi, de Cédrica. Là. J'ai jamais vu. 1$ va à la Fondation Cédrica pour chaque album vendu 1$. L'album est vendu 1$15. Ça. Fait que je pense que là, on serait dû pour quelque chose qui a plus d'allure. Ah oui, aïe. Je mets ça à stop. Puis, on a Arnold, invité, s'il te plaît, plug Alex. Faites-nous de quoi de bon. Ça va ressembler à quoi? Là? Tourner le shooter pendant qu'Alex chante. Je vais essayer d'y aller avec de quoi de bon, là, justement. Ouais, là, je vais avec une de mes chansons qui est moins connue. Une vraie tune, que, Quasiment, là. C'est une chanson, je voulais comme être plus un genre de chanteur à texte, là, genre, fait que j'ai beaucoup écouté L'amour existe encore, genre, puis là, après ça, j'ai écouté cette tune-là, là. Fait que c'est ça, ça s'appelle On n'a que nous. Il m'a recueilli au sein de son affaire, du fond de mon centre pour ivrogne vulgaire. R, car il était si seul, nul à qui dire, ferme dans ta gueule, sauf son propre reflet au milieu des carreaux. Qu'il nettoie pour se payer de coquins vidéo. Oh, la vie nous a soudés. Nous sommes nos douces moitiés. Les gens, ils n'en veulent pas de mon patron et moi. Détraqué, raté, le seul qui puisse me supporter en attaquant mon être sous toutes ses facettes, même celles qui n'ont jamais souillé sa camionnette. Et je combats chaque nuit des rêves où la vie lui sourit. Femmes et citoyens moyens en général se donnent à lui qui m'échange contre une eau minérale. La vie nous a soudés, nous sommes nos douces moitiés. Les gens, ils n'en veulent pas de mon patron et moi. On n'a que nous, on n'a que nous, on n'a que nous, on n'a que nous, on n'a que nous. Une autre partie du spectre d'Alex et Arnold. Moi, ce que j'aime des tunes d'Alex et Arnold, bon, c'est peut-être parce que moi, j'aime chanter, mais malgré tout, là, je suis sûr qu'Evelyne va me suivre là-dessus. Là. Toutes tes tunes, on a le goût de chanter avec toi, on a le goût d'embarquer, puis la la la la la la la. Ou au moins de casser la gueule à quelqu'un. Toutes tes tunes, on a le goût de chanter avec toi, ouais. C'est ça qui est le fun, ouais. Je trouve. Moi, je t'avoue que, non, mais moi, être assis à côté, ça me suffit. Ben, c'est ça, moi, je suis l'autre bord de la table, hein, fait que moi, faut que je chante. Merci, Alex, en tout cas, c'est très apprécié. Ça fait comme deux émissions d'affilée que tu viens, c'est spécial, puis ça veut dire que t'es comme le bienvenu tout le temps. Ah oui. Bon, on va faire comme tout le monde en parle, on va lui donner une carte chouchou. C'est ça, peut-être que mettons, on va te réinviter officiellement, mais t'es tout le temps invité officieusement. Puis ben, on a hâte d'entendre ta nouvelle trame sonore là, de moi, ton je dis thème. Qu'il est tout le temps invité le officiellement. Temps. Oui. On peut peut-être le réinviter officieusement une fois de temps en temps. C'est bien. Ah, c'est mieux de même. Voilà. Ça paraît que c'est le gars des nouvelles qui vient de parler. Puis d'ailleurs, Étienne, tu vas nous partir une trame sonore de fond. Ben oui, je vais en partir une pendant que je remets à Alex officiellement le 7 jours chouchou. Oh! Avec Céline. Céline, t'es allé plus vite que moi, je m'en allais donner mes bobettes. Joyeux Alex. Heureusement que j'ai aussi des là. Voilà, je pars de quoi, là? 15 ans d'amour. Fait qu'à Bruno, il nous reste à peu près 3 minutes de faire ça. Ah, c'est bon. D'accord, alors on va faire ça, Roche. Alors, Le Trung, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, c'est un Asiatique. Donc, Le Trung, un inventeur de Brampton en Ontario, a passé Noël avec sa famille et la femme la plus importante de sa vie, Aiko, son robot femelle qu'il a fabriqué lui-même pour la modique somme de 30 000 livres. C'est vraiment bizarre, c'est un Asiatique canadien qui dépense des livres, en tout cas. C'est comme ça que ça se passe. Aiko possède une intelligence artificielle impressionnante. Elle connaît 13 000 phrases en anglais et en japonais. Elle a aidé à installer les décorations et à cuire la dinde. Le affirme qu'il ne lui reste qu'à réussir à la faire marcher. Il affirme que c'est la chose la plus difficile à faire pour un inventeur. Il s'est extrêmement endetté en travaillant sur sa création et est toujours à la recherche d'une compagnie pour financer ses recherches. Aiko est comme n'importe quelle femme, affirme-le. Elle aime s'acheter des nouveaux vêtements. Et j'aime les acheter pour elle. Wow. Après le souper de Noël et les cadeaux... C'est pas supposé rendre le monde meilleur, excuse-moi, là. La technologie... Alors, après le souper de Noël et les cadeaux, Aiko s'est joint au quiz et au jeu de société avec la famille. Le qui a été victime d'une crise cardiaque causée par le stress de travailler sur Aiko il y a 2 ans, espère la compléter afin de vendre le prototype comme aide à domicile pour les personnes handicapées ou personnes âgées. Il a fait son robot le plus féminin possible afin d'avoir un compagnon presque humain. Elle a une peau en silicone, de vrais cheveux. Elle est sensible au toucher, reconnaît les caresses et les chatouillements. Et comme une vraie femme, elle réagit aussi à être touchée à certains endroits. Oh! Hey, c'est malade, ça. Il a fait ça tout seul, le gars. Si on la sent trop fort, elle tentera de vous gifler. Mais elle est toujours serviable et ne se plaint jamais. Donc, pas exactement comme une vraie. Et aime beaucoup se faire toucher le concept. Dernière nouvelle, plus courte celle-là. La grippe H1N1 fait bien les victimes. Les catholiques romains en font partie. Les catholiques ont pour tradition de tremper leurs doigts dans l'eau bénite et de faire leur signe de croix en sortant Bruno, de l'église. Bruno, ça passe à Radio-Canada. Malheureusement, je sais pas, j'écoute pas Radio-Canada. Malheureusement, plusieurs refusent maintenant de le faire de peur de contracter la dangereuse grippe. Arrive Luciano Marabis, l'inventeur italien. Sa nouvelle invention distribue l'eau bénite avec un système de détecteur de mouvement permettant aux adorateurs de tremper les mains dans l'eau sans se mouiller. Oh! Bouya! Bouya! De tremper les mains dans l'eau sans se mouiller. Ouais. C'est weird, hein? C'est complètement fou. Ils ont été assez apeurés, les Italiens, ouais. Là. Ils ont on les aime, les Italiens, ah, pour ça. Ouais. Ah, ouais. C'est oh, des ouais. capotés. Des astuces capotées. Bon, ça, ben, messieurs, mesdames, madame, on va s'en aller au brouhaha. Écoutez, Twin Dragon Encounter, t'es bienvenue, Alex, si tu veux embarquer avec nous autres. Sinon, Simon, Bruno... Ouais, moi j'aimerais juste dire que Evelyne, j'ai Alex et Étienne. Moi j'ai reçu mon premier chèque relié au bénévolat de douteux.org aujourd'hui par la poste. Un chèque de 53,5 de la Nincassi pour payer mon billet d'autobus pour retourner chez nous. Wow! Oh! Alors merci la Nincassi. On avance. N'oubliez pas d'aller voir ça à Québec aussi, hein, quand vous votez sur le site, c'est pour savoir quelle sauce le monde au Québec au complet souffre. Merci beaucoup, je vois baisser. Hey, c'est Bibabello. J'ai ça dans la tête pendant une bonne semaine. Là, il y en a d'autres qui viennent faire la petite affaire. Il faut que vous sortiez, vous autres. Ouais. Mais Bruce Barron en background pendant que je lis mon petit texte. Je fais ça en 30 secondes. Quant au film lui-même, Twin Dragon Encounter, est le prélude logique de Twin Dragon Hunt, qui est en fait le deuxième film. Un des rares moins neufs que nous avons trouvé, moins étoffé, plus sobre et plus court, à peine 70 minutes au total. Encounter ne fut pas distribué assez pour justifier une version française. On va quand même avoir droit à ces ralentis très lents, des dialogues spéciaux et très peu naturels, à des combats trop courts contre des gars pas assez bons, et pour la première fois à l'écran, Jake, le méchant blondinet aux motivations tout aussi floues que son passé ou son avenir. On va voir les Twin Dragons bûcher du bois, planter leur tente, parler à un ours, se battre à chaque arrêt durant leur voyage, et j'en passe. Note spéciale, respecter la trame sonore également. On l'a entendu tantôt, c'est l'auteur-compositeur-interprète Billy Bott. Je paie en or brut et solide. Quiconque m'amène quoi que ce soit ayant un lien avec Billy Bott, que je sais de race canadienne et domicilié à Toronto, voilà 25 ans. À titre plus personnel, parce que la cause a de plus en plus de visages et que ce que l'on fait ici ce soir sera un jour au programme des écoles de la société du futur, c'est en allant parler à Michael McNamara que j'ai définitivement fait la scission entre la personne et son œuvre. Une personne est là devant toi. Elle peut reprendre son propos, évoluer, s'excuser. Une œuvre, c'est rien de tout cela. Et si l'œuvre des Twin Dragons pouvait s'excuser, je suis sûr qu'elle préférerait nous casser à gueule. Voilà, c'était Tommy Godette à 70%. On est reparti pour une autre saison. Faites attention à vous autres. On vous laisse avec ceux d'après. Là. Pour tuer un des ninjas, il faut que l'homme soit aussi ninja. Ben, c'est tout simple. J'en connais plein. Et alors, où est-ce que je vais en trouver un? Ne vous inquiétez pas. J'ai un ami qui est ninja. Nous n'avons pas à apprendre le jiu-jitsu pour liquider ce monstre. Si j'arrive à en trouver un, il n'y aura pas de problème pour tuer le ninja. Tenez, allez le chercher. Oui, ne perdez pas de temps. Non, ce n'est pas le moment. Nous ne savons rien de l'autre ninja. C'est vrai, nous ne savons rien. Il doit avoir des complices. Et où se cache-t-il? Juste. Il faut d'abord retrouver tous ces hommes. Alors, nous les suivrons et nous saurons où se cache le chef. Ça me paraît sensé. Et nous fouillerons tous les locaux. Nous saurons toute l'histoire. Pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît? Dérangez-vous les autres quand vous regardez la télé? Un instant. Est-ce qu'il faut que ça soit si fort? Fatigué qu'on vous demande de baisser le son? Maintenant, grâce à l'amplificateur personnel Listen-In, vous pouvez régler le son au niveau voulu, sans qu'il soit trop fort pour les autres. Votre oui ordinaire deviendra extraordinaire. Voyez, il est plus petit qu'une carte de crédit, mais assez puissant pour que vous entendiez une aiguille tomber à l'autre bout de la salle. Ou une conversation de l'autre côté de la rue. Avez-vous rencontré le nouveau voisin? Pas encore. Je l'ai rencontré, il a l'air gentil. Mettez simplement les écouteurs et réglez le son. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez regarder vos programmes de télé même tard le soir. Ou écouter votre musique préférée sans déranger les autres. Vous demandez-vous ce que les gens racontent à l'autre bout de la salle? Avec Listen In, vous pouvez écouter discrètement. Il paraît bien, n'est-ce pas? Il est si mignon. Listen In est parfait pour les événements sportifs. Vous ne perdrez rien de l'action. Ben, allez-y! Ou profitez du calme des sons de la nature. Grâce à cet appareil pratique, vous pourriez mieux suivre les conférences, les films, les spectacles et la messe. Et aussi ce que disent vos enfants quand ils sont hors de portée. Idéal pour les chasseurs, car vous pouvez entendre les animaux avant qu'ils ne vous repèrent. Les autres amplificateurs peuvent coûter jusqu'à 100 $, mais si vous appelez maintenant, vous obtiendrez Listen In pour seulement 19,95. Listen In vous permet d'écouter la télé ou votre musique préférée sans déranger les autres. Donc, vous obtenez Listen In, l'amplificateur personnel au prix incroyable de seulement 19,95. Cet appareil n'est pas vendu en magasin, alors appelez dès maintenant. Cet appareil exceptionnel est à vous pour le prix imbattable de seulement 19,95. Mais vous devez appeler au numéro à l'écran. Transformez votre ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire grâce à votre propre amplificateur personnel Listen In. Nos préposés sont à l'écoute. Appelez dès maintenant. Lundi 11 janvier, je suis perdue dans la date puisque ça change tout le temps. Vous écoutez l'épisode 88 de Dans ta bulle, l'émission BD sur toujours sur les ondes de Choc FM